dans l'été. Alors que la nuit tombe, je me balade rue des Colombes. Je le sais, je suis amoureux, et je ferai tout pour finir dans son pied. Alors je lui fais la cour, et je lui montre tout mon amour. Je l'aime, oh oui je l'aime, elle me transforme, je ne suis plus le même. Ma vie prend enfin un sens, et je ne peux plus sortir son absence. C'est moi, je suis français, je vis à Paris toute l'année. Alors que la nuit tombe, on se balade rue des Colombes. On le sait, on est amoureux, et on adore nos petits moments au pieux. Alors je lui fais l'amour, et lui fredonne plein de mots d'amour. Je l'aime, oh oui je l'aime, elle me transforme, je ne suis plus le même. Ma vie prend enfin un sens, et je ne peux plus supporter son absence. Paradis, grâce à notre amour qui est né.